La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Plus d'un Français sur deux considère qu'il ne dort pas assez et 20% de la population déclare être insomniaque. C'est donc une personne sur cinq qui souffre d'un manque ou d'une mauvaise qualité de sommeil. Nous l'avons souvent dit dans cette émission, le sommeil est le garant de notre bien-être physique et psychique et la dette de sommeil peut avoir des répercussions très importantes sur notre état de santé. Êtes-vous du soir ou du matin un gros ou un petit dormeur? Je reçois dans un instant le psychiatre Patrick Lemoine qui a dirigé l'année dernière un ouvrage pour en finir avec l'insomnie et on le retrouve dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science, de nouvelles connaissances sur la domestication du chien à la préhistoire. Oui, une toute nouvelle étude nous permet de mieux comprendre comment les hommes et les chiens ont commencé à collaborer ensemble il y a plus de 10 000 ans. On verra ça dans un instant. Fanny Boyon réalise l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter. Des clés pour en finir avec l'insomnie. Dossier dans un instant de la tête au carré avec vous, Patrick Lemoine. Bonjour. Bonjour Mathieu. Les insomnies, une vieille histoire qui accompagne l'humanité depuis des millénaires. Ça n'est pas un fait de nos sociétés modernes, comme vous le rappelez dès les premières lignes du livre. C'est vrai, je me suis aperçu qu'il y a 1750 ans avant Jésus-Christ, alors il ne publiait pas sur YouTube, mais plutôt sur le code d'Hammurabi, le seul médicament qui reste, c'est le pavot. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus que le pavot de cette époque-là, et le pavot, ça sert avant tout à faire dormir. Donc on peut supposer quand même que les Mésopotamiens, ils dormaient mal, et peut-être qu'ils avaient mal en plus. Ouais. Alors depuis, la science a fait quand même quelques progrès, et on a de bonnes explications et des solutions quand même pour combattre les problèmes liés au sommeil. Toujours des plantes, mais pas les mêmes. Voilà, on verra que la valériane a fait ses preuves depuis très longtemps, et puis on parlera de cet ouvrage réalisé avec vos confrères lyonnais, et puis vous répondrez donc au message des auditeurs. On se rejoint dans quelques minutes. À tout à l'heure. Non! Patiente, tu sais que je t'en donne. Elle te manque, ta meute. Moi aussi. Je dois rentrer chez moi avant la chute de la première neige. Toi aussi, tu dois rentrer. Allez, vas-y, arrête de me regarder! Vas-y, va-t'en! Voilà, extrait du film Alpha, film américain sorti l'année dernière et qui raconte la domestication d'un loup par un jeune chasseur, Héloïse Rambert. Très bonne introduction à notre sujet. Oui Mathieu, alors maintenant le meilleur ami de l'homme, c'est plutôt le chien. Il est tellement présent dans nos vies qu'on ne se demande pas forcément quand et pourquoi ce rapprochement s'est fait. C'est pourtant une question scientifique. Une nouvelle étude parue dans la revue Journal of Anthropological Archaeology nous apporte des données sur les circonstances de domestication du chien et son rôle dans la chasse à la préhistoire. Pour discuter de ces découvertes, nous sommes avec Jean-Denis Vigne au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, les raisons, les circonstances de domestication du chien par l'homme, c'est quelque chose que la science connaissait mal jusqu'à présent ? Eh bien, on savait que le chien avait été domestiqué dans plusieurs lieux, plusieurs régions de l'ancien monde, de l'Eurasie, il y a environ 14 000 ans. Mais ce qu'on savait pas bien, c'est les circonstances, effectivement, comme vous le dites, dans la mesure où sa domestication a été pratiquée par des groupes de chasseurs, et que contrairement à la domestication des ongulés, qui a eu lieu plus tard, eh bien, cette domestication du chien n'a pas entraîné de changement majeur apparent dans la vie de ces chasseurs. D'accord. On se doutait quand même un peu que le chien jouait un rôle dans la chasse, aux côtés de l'homme ? Oui, dans la mesure où c'était des groupes de chasseurs, effectivement, c'était l'une de leurs préoccupations majeures, et on imaginait que la domestication du chien avait pu jouer un rôle dans les pratiques de chasse, mais on n'avait aucun indice à ce sujet, on avait juste des présomptions. Alors qu'est-ce que nous apprend cette étude dans le détail à propos de cette collaboration chien-homme ? Alors cette étude qui s'appuie sur la découverte dans un site de Jordanie vieux d'une dizaines, douzaines de milliers d'années. Cette étude nous montre, déjà met en évidence la présence de nombreux ossements de chiens associés au site d'occupation humaine, et elle nous montre aussi que ces chiens ont été très rapprochés avec la vie de l'homme et qu'ils ont consommé des restes de repas humains. Et elle apporte aussi des informations sur l'intervention de ces chiens dans des pratiques de chasse et peut-être même sur la modification des pratiques de chasse à cette époque. Et je crois aussi qu'en Jordanie, il y avait des structures archéologiques qu'on pense être associées à la chasse. Est-ce que le chien aussi serait associé à ces nouvelles techniques de chasse ? Voilà, justement, c'est à cette époque-là qu'on voit apparaître des techniques de chasse par rabattage de petits gibiers comme les gazelles ou dans d'autres régions des cervidés. Ce sont des structures qui, en fait, permettent de concentrer les groupes d'animaux chassés dans des enclos et de les abattre plus facilement, donc de pratiquer de la chasse en masse après avoir rabattu le troupeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on imaginait que peut-être le chien avait pu jouer le rôle de rabatteur, et là on a des présomptions très fortes que c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais Jean-Denis Vigne, on a des traces archéologiques de ces enclos précisément pour pouvoir aller un peu plus loin dans les preuves qu'on souhaite apporter ? Oui, tout à fait. On a des traces archéologiques qui sont connues depuis fort longtemps. Alors évidemment, c'est toujours très difficile de dater des enclos qui sont des murets de pierre, hein, finalement. Mais on a pu en dater quelques-uns. Et on montre que ces enclos apparaissent à ces époques-là, hein, l'époque de la domestication du chien. Et on connaît des enclos de ce type qui ont été utilisés pour la chasse dans tout le Proche-Orient durant les millénaires qui ont suivi et jusque même durant les périodes historiques. Donc on connaît de ce fait bien leur fonction et leur mode de fonctionnement. Et vous parliez des ossements de chiens, hein, qu'on a retrouvés. Est-ce qu'ils ont aussi travaillé sur d'autres matériaux, les scientifiques, pour en apprendre plus ? Alors, il y a des ossements de chiens et puis il y a aussi des ossements de gibier qui ont été ingérés par les chiens. Alors, on a des moyens de reconnaître les traces de ce qu'on appelle les traces de digestion, hein, qui sont des traces d'attaque que les ossements ont acquis en transitant dans le tube digestif des chiens. Donc ça, on reconnaît bien. Et on a dans ce site en particulier beaucoup d'indices de ce type. Et puis on a aussi en parallèle l'accumulation, la prolifération d'ossements de petits gibiers, hein, lièvres, renards, qui témoignent d'un élargissement du spectre des espèces chassées à cette époque-là. Et les auteurs proposent, non sans raison, que le chien a pu aussi servir d'intermédiaire dans la chasse de ce petit gibier. Et l'homme à cette époque était encore nomade ou il était sédentarisé ? Alors, il était sédentarisé parce que ces groupes humains, il y a environ 15 000 ans, se sont stabilisés, du moins une partie des sociétés du Proche-Orient, se sont sédentarisés dans des petits hameaux. Et évidemment, la sédentarisation, ça génère un problème particulier, qui est que ces groupes humains exploitent toujours le même territoire et risquent, au bout d'un moment, de surexploiter les ressources qui sont aux alentours immédiats du hameau. Et la manière, finalement, de résoudre ce problème, ça a été d'élargir le spectre, c'est-à-dire de consommer du petit gibier qui était très peu exploité auparavant, de cueillir beaucoup plus, un spectre beaucoup plus large de fruits, et c'est ce qu'on appelle l'économie du large spectre. Et donc, il est probable que le chien a pu jouer un rôle dans ces différents types de chasse qui ont permis d'élargir le spectre alimentaire. Jean-Denis Vigne, qu'est-ce qu'on sait exactement du passage du loup au chien et est-ce que la domestication a pu participer à cette transition finalement ? Oui, c'est effectivement la domestication qui a permis cette transition du loup au chien. Alors la transition du loup, enfin la domestication, c'est effectivement finalement l'intensification d'une relation préexistante. Mmh. En l'occurrence, humains et loups sont des espèces qui sont chasseresses et qui chassent en groupe, hein, avec une organisation sociale qui permet cette chasse en groupe. Et finalement, le loup et l'homme ont pratiqué à peu près les mêmes chasses sur les mêmes types de gibier. Ils ont donc été en concurrence directe, mais ils ont pu aussi entrer en synergie, hein, en coopération pour la chasse. Et c'est un des scénarios qu'on envisage pour la domestication du chien. Peu à peu, les loups et les humains ayant le même but se seraient associés et le chien ayant qui résulte de cette domestication du loup ayant finalement intégré la société humaine. Donc ce chien, en final, il faut pas l'imaginer très différent physiquement du loup. C'est-à-dire qu'au début, c'est un loup, hein, et puis très rapidement, et c'est comme ça qu'on s'en rend compte à travers les ossements archéologiques, très rapidement, sa taille diminue, et puis maintenant, on a des données génétiques qui montrent que la couleur de la toison de ces loups en train de devenir chiens s'était modifiée. On a aussi des indices génétiques de changement de régime alimentaire de ces loups qui ont commencé à s'alimenter de plus en plus de produits de la cueillette, donc de céréales. Et du coup, ces changements-là sont aussi liés à la transition entre loup et chien. Est-ce que du coup, ce sera notre dernière question, Jean-Denis Vigne, à cette époque, donc entre 10 et 12 000 ans, il y a une explosion, on pourrait dire, dans la domestication des animaux, parce qu'en dehors des chiens, il n'y a pas que cette maîtrise-là qu'on a pu justement opérer. C'est-à-dire que le chien est quand même le tout premier, hein, c'est le tout premier animal à avoir été domestiqué, et cette domestication, elle est particulière puisque elle relève d'une transformation au sein même des sociétés de chasseurs. La domestication du chat qui intervient un millier d'années ou deux milliers d'années même après la domestication du loup est liée plutôt à l'agriculture, hein, qui a entraîné l'accumulation de réserves dans les villages et qui a attiré des souris. Gibier principal des chats. Et puis la domestication des animaux à cornes ou du porc intervient, elle, beaucoup plus tard. Deux millénaires plus tard. Merci beaucoup Jean-Denis Vigne pour ces précisions toujours passionnantes sur notre lien finalement à cet animal, le chien que nous aimons tant. Merci beaucoup à vous, Héloïse Rambert, on se retrouve avec demain. Avec grand plaisir. À demain, merci. Merci, au revoir. Allez, on va vous aider à mieux dormir dans un instant avec Patrick Lemoine. Early hours down to the sea. I stand on the beach where the storms. The Good, the Bad and the Queen, c'était Maryland sur France Inter. Alors on trinque ? On trinque. Je voudrais arriver à dormir. Et moi donc ? La tête au carré. Dormez, point d'exclamation, injonction, qui est le titre d'un ouvrage qui paraît chez Hachette Bien-être et que vous avez dirigé, donc Patrick Lemoine, avec ce livre, un plein de promesses pour en finir avec l'insomnie. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et spécialiste du sommeil, et puis les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de messages, vous vous en doutez, sur franceinter.fr. Et le vous avez des auditeurs qui dorment pas, qui ne croient pas. C'est étonnant hein, quand même. Dormez, point d'exclamation, c'était une évidence. Eh oui. Il faut vraiment inviter les gens à le faire et à prendre soin de leur sommeil. Un récent sondage montrait que 53% des Français se plaignent de pas assez dormir et 40% pensent qu'ils dorment mal. Donc c'est vrai que ça fait un peu de monde. Quand même. Ouais, et il faut vraiment bien comprendre les mécanismes du sommeil pour voir de quelle façon justement ils se répandent sur notre état général. C'est une sorte de médicament extraordinaire quand même, le sommeil. Certes, je pense que pendant la nuit, notre cerveau, qui est une incroyable usine pharmaceutique, est capable de sécréter énormément de trucs très utiles pour notre santé. Ouais. Par exemple, on sait que c'est au cours de la nuit qu'on sécrète ce qu'il faut pour pas devenir obèse ou diabétique. Parce que c'est la nuit qu'on sécrète la leptine, qui est une hormone de la satiété. Si on dort pas assez, on grossit. C'est une des premières conséquences. Mais si on dort pas assez, on risque de développer une hypertension artérielle, avec tous les soucis cardiovasculaires. On risque de perdre la mémoire. Enfin, je veux pas affoler les chaumières, mais il faut dormir correctement si on ne veut pas avoir de sérieux problèmes de santé. C'est ça, avec beaucoup de pathologies qui sont aujourd'hui vraiment clairement associées aussi au manque de sommeil. La littérature scientifique est claire maintenant. Les données récentes de l'épidémiologie qui ont été très critiquées au début, mais maintenant on sait que obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies immunitaires, cancer digestif, maladies d'Alzheimer peuvent être quand même associées, sans dire c'est vraiment la cause. Mmh. En tout cas, c'est associé au manque de sommeil. Oui, bon, il suffit de voir sur soi, lorsqu'on dort bien ou pas, les effets que ça peut avoir immédiatement, d'ailleurs, sur notre état général, sur notre nervosité ou pas, sur le fait de bien supporter les choses autour de nous. Voilà, absolument. Il suffit d'une mauvaise nuit pour changer notre journée. On peut être un peu moins sympathique si on n'a pas très bien dormi. Absolument. Patrick Lemoine, qu'est-ce qui se passe à Lyon? Parce que là, vous avez réuni un bon nombre de vos collègues lyonnais. Il y a une école du sommeil très, très performante dans votre région. J'ai lu ce livre résolument chauvin, comme les Lyonnais le sont si souvent. Mais parce que Lyon, c'était un peu un hommage aussi à Michel Jouvet, qui était quand même l'immense homme. À une époque, moi, quand j'ai été formé, il y avait deux hommes du sommeil, c'était Bill Dement à Stanford et Michel Jouvet à Lyon. Et c'est Jouvet qui a quand même découvert l'existence du sommeil paradoxal. Ouais. Et qui a montré aussi que les animaux sont capables de rêver. Le sommeil paradoxal, on peut rappeler ce que c'est ? Le sommeil paradoxal, bien sûr, c'est un moment qui est paradoxal. Ce que les Américains disent à tort, le rapid eye movement, le REM sleep. Je dis à tort parce qu'il y a des gens qui naissent sans yeux et qui ont pourtant quand même du sommeil paradoxal et qui rêvent, même s'ils n'ont pas d'yeux. Et donc, ils n'ont pas de mouvement des yeux. Il est paradoxal parce qu'on dort très profondément, on est paralysé, sourd, muet, aveugle, mais pourtant, le cerveau a des ondes rapides qui ressemblent à l'éveil. Donc on se dit, tiens, il est réveillé, et puis non, il dort très profondément. Et puis il y a un phénomène hallucinatoire, délirant, qu'on appelle le rêve, puisqu'il ne faut pas oublier que tout le monde, toutes les nuits, 3, 4, 5 fois, est complètement fou. C'est vrai, et parfois même dans la journée quand il fait une petite sieste. Aussi, on peut être fou aussi pendant la journée. Jean-Paul nous dit, est-ce que le rythme circadien est en rapport justement avec ce rythme veille-sommeil? Absolument. D'ailleurs, on ne devrait jamais parler de sommeil sans parler de son contrepoint qui est le veille, c'est le yin et le yang. Et tout ça, c'est le reflet d'un thermostat qu'on a dans le cerveau, qui est dû à des gènes qui ont été d'ailleurs couronnés pour la première fois par un prix Nobel à l'automne dernier. C'est vrai. Et donc, qui fait que la température, de manière autonome, monte dans la journée et descend la nuit. Donc on a la pêche, la forme, la banane si la température monte dans la journée et on dort profondément en fabriquant de l'hormone de croissance qui est très importante si la température baisse bien la nuit. Et si par chance génétique, faut bien le dire, on a 1,4 degré Celsius en moyenne de différentiel jour-nuit, tout va bien. Oui, ça veut dire que pour bien vivre, il faut dormir la nuit. Enfin, je veux dire, c'est une des lois au fond de l'humain? Non. Ah. Non, non. Enfin, on est bien, on est une espèce diurne, mais quand même, Mathieu, si vous étiez andalou, vous ne me poseriez pas cette question, parce que vous seriez andalou, vous seriez couché à 2-3 heures du matin, levé à 7-8 heures, et vous dormiriez 2-3 heures au moment de la sieste. C'est vrai. Donc vous auriez votre taf général de sommeil, mais en deux phases. Et si vous étiez papou, eh bien, en Papouasie, on dort en 6, 7, 8 fois. Donc, parce que en Papouasie, tous les hommes dorment ensemble. Mmh. Et chaque fois qu'il y en a un qui rêve, il doit raconter au reste de la tribu son rêve pour pouvoir en discuter, pour éviter des gros ennuis. Ah, on pourrait s'amuser à faire ça. Je pense que ce serait très, très apprécié aussi dans nos chaumières, non? Mais il paraît que dans cette tribu particulière, qui était très spécifique, décrite par François Lupu, eh bien, dans la journée, on voyait les guerriers qui s'endormaient en montant dans la pirogue ou en montant dans le sagoutier. C'était quand même assez folklorique. Écoutons ensemble l'insomnie vue par le docteur Knock, avec bien sûr ce film de Louis Jouvet. Je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très, très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parfalet? Oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. Tiens. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Ah, vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, et particulièrement à une altération des vaisseaux dites en tuyau de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. En tuyau de pipe? L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux. Voilà, ce film de Guy Lefranc avec Louis Jouvet, Docteur Knock et ses bons conseils. Alors effectivement, est-ce que ça vous arrive de préconiser à vos patients de lire le Code civil, Patrick Lemoine, pour mieux dormir la nuit? Alors, c'est pas une mauvaise idée? C'est pas forcément une mauvaise idée. On peut parler aussi de quand ça existait, l'annuaire des chemins de fer. Mmh. Mais cela dit, sérieusement, la lecture avant de dormir? Alors, ça fait partie du rituel. Hein? Personnellement, si j'ai pas lu 10 minutes, quelle que soit l'heure, je peux pas m'endormir. Mais quand on lit un livre, plutôt qu'une tablette, hein? Alors, la tablette normal, non rétroéclairé, ça va, parce qu'il n'y a pas de lumière bleue. Mmh. Mais si elle est rétroéclairée, c'est comme les tablettes, comme les ordinateurs, comme les smartphones. Tout ça, c'est de la lumière bleue. Donc, on bloque la fabrication d'une hormone qui s'appelle la mélatonine par une glande qui s'appelle la glande pinéale, peu importe. Mais qui est quand même bien utile pour dormir, pour donner le signal de sommeil et pour maintenir le sommeil. Donc si avec tous ces appareils, dont la liseuse, vous avez raison Mathieu, eh bien on risque en effet de bloquer cette mélatonine et de beaucoup moins bien dormir. Les vaisseaux en tuyau de pipe, est-ce que vous avez déjà observé ce phénomène? Alors, avec Lemoine? Je pense que Knock avait tout compris de l'effet placebo et nocebo. Ouais. Et il était génial, sauf que c'était un charlatan, un escroc. C'était pas pour soigner les gens. Donc on voit bien qu'il s'amuse à paniquer cette pauvre paysanne de manière à ce qu'elle dorme encore moins bien et qu'il puisse lui prendre beaucoup plus de sous en la revoyant plus souvent. Donc c'est une très belle pièce, mais quand même pas très morale. Malika nous dit « Je souffre d'insomnie depuis plusieurs années, à en être souvent épuisée au point de me couper de toute vie sociale pendant plusieurs jours. J'ai 72 ans, dit-elle. En fait, je me réveille toutes les 2 heures, environ 4 à 5 fois par nuit. Récemment, j'ai essayé la mélatonine sans effet probant. Que pouvez-vous faire pour m'aider? C'est un véritable SOS que je vous adresse. » Alors Malika qui se fait l'écho de beaucoup de voix. Hein. Je ne sais pas si ça va la consoler, mais il y a une étude qui s'est passée en Tanzanie, qui a été faite il n'y a pas longtemps, où on décrit une tribu qui dort sans électricité et qui dort par terre. Les anthropologues ont étudié le sommeil de tout le monde. Mmh. Et tout le monde dort bien, sauf les personnes âgées. Ce qui est normal, les enfants doivent bien dormir pour grandir, les femmes enceintes, même raison, les malades doivent guérir, et puis les pasteurs, les adultes, doivent également être dynamiques et vigilants. Donc leur bon sommeil est nécessaire à la tribu. En revanche, comme les personnes âgées ont moins de force de travail, moins de capacité pour travailler pour la tribu, eh bien, la nature a prévu que les personnes âgées dorment mal parce qu'elles ont une fonction de sentinelle. Bah, c'est pas très rassurant ce que vous dites. Et c'est si. Comme ça que vous consolez les gens qui dorment mal. Oui, absolument, parce que j'explique aux personnes âgées qui dorment mal que ça prouve leur altruisme. Elles sont là pour veiller sur leurs contemporains. Oui, alors ça, c'est une façon un peu détournée quand même de répondre à la question. Elle a une fonction sociale, malgré tout. Ah, oui. Alors, pour répondre, mais c'est épuisant, sérieux, c'est quand même sérieux ce que je viens de dire. Sauf que là, parce que ce témoignage est quand même... Il est connu que les personnes âgées dorment moins bien que les sauf adultes, que quand ça commence et ça à une fonction. Quand ça coupe de toute vie sociale, en quand revanche, ça commence à devenir un vrai problème. Il faut faire quelque chose. Première chose, Malika, si vous ne prenez pas de somnifères ni de tranquillisants, surtout continuez, évitez. Là encore, je m'adresse vraiment, et là c'est très sérieux à tous les auditeurs, ce sont des produits toxique, qu'il faut prendre le moins possible et si possible ne pas mettre le doigt dans cet engrenage et si on a le doigt dans l'engrenage, essayer de s'en sortir Avec l'aide de son médecin. Pourquoi, en quelques mots? Parce que ce sont des produits toxiques. Il y a une étude faite sur 100 000 sujets suivis pendant 15 ans en Angleterre, où un tiers avait pris des tranquillisants et des somnifères, deux tiers n'en avaient pas pris. La mortalité presque doublait chez ceux qui en ont pris. Et les gens, en plus d'apnée, donc respirent moins bien, donc ont des accidents vasculaires, donc développent des Alzheimer. Alors je ne veux pas paniquer dans les chaumières, mais ce sont des produits dangereux. Et surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'on pense qu'on dort sous somnifère, en fait, on ne dort pas, c'est une anesthésie légère, et ce pseudo-sommeil n'apporte pas les bienfaits du sommeil. Et en plus, au bout de 15 jours, de toute façon, on ne dort pas, mais on oublie qu'on ne dort pas. C'est une amnésie de l'insomnie. Donc le bénéfice est quand même très réduit. Alors pour en revenir à Malika... Oui, pour lui répondre quand même. La première chose, c'est... Le lit doit être un signal de sommeil. Donc je ne sais pas comment fait ce Malika, mais très souvent, beaucoup de personnes âgées regardent la télé, écoutent la radio, et surtout pas France Inter, parce que c'est passionnant, donc on ne peut plus s'endormir, lisent des bouquins, regardent les ordinateurs, tricotent, mangent, reçoivent des amis... On doit débarrasser la chambre de tout ce qui ne permet pas de dormir ou de s'aimer. C'est les deux fonctions du lit. À partir de là, on se couche le plus tard possible, quand on tombe de sommeil, et on se lève tôt. Parce que le sommeil, c'est un tissu, et si on tire de chaque côté, ben, le tissu il fuse et fait des trous. Et Malika, elle se réveille toutes les deux heures, elle le dit bien. Donc je la soupçonne de se coucher trop tôt et de se lever trop tard, entre guillemets, pour récupérer, ce qui ne récupère rien du tout. De toute façon, c'est les trois premières heures de sommeil aux horaires habituels qui apportent l'essentiel du bénéfice du sommeil. Donc Malika, couchez-vous tard, levez-vous tôt, prenez de la mélatonine, même si vous n'en ressentez pas tout de suite les effets, eh bien, vous en bénéficierez quand même, et essayez de prendre de la mélatonine à libération prolongée. C'est très important à votre âge, à libération prolongée, demandez à votre pharmacien. Il le sait. Et maintenant, les conférences de consensus montrent que on peut monter jusqu'à 5 mg. La mélatonine, il n'y a aucun danger. Pas d'effet au contraire, secondaire. C'est antioxydant, c'est anti-vieillissement, c'est anti-cancéreux. Ça n'a que des avantages, la mélatonine. Et puis, elle peut prendre des tisanes sèches. Parce que la tisane humide, ça fait du liquide qui oblige à se lever la nuit pour des raisons mécaniques. Mais une tisane sèche, ça va être des comprimés. Par exemple, de valériane et d'escoltia, qui est très efficace et ça a été démontré de manière totalement scientifique. Ouais, alors valériane, c'est la seule plante d'ailleurs qui est prouvée. Escoltia aussi, les deux. Qui ont prouvé leur efficacité dans ce domaine. Dans des études bien contrôlées. La passiflore a montré, mais plus comme anxiolytique. Allez, d'autres conseils pour bien dormir dans un instant et puis beaucoup de messages pour vous, Patrick Lemoine, sur franceinter.fr. Sobre, je m'isole pendant des heures. Info, désordre, tu me manques déjà. Le silence résonne, l'avenir nous sépare. T'en fais des tonnes, un grand écart. L'avant, demain, l'argent, les uns. Ses yeux, ses seins, le mieux, le bien. Mon pas, c'est simple, des pas, c'est ça. Le faire part, message, rentrer chez soi. Happy end, massage, les filles n'aiment pas ça. Le papier, mâché, mes adieux, bâclé. Je t'ai vu tweeter en ville. T'éclat, single, fruité, le bruit de la bécane. Les gens là-bas demandent de l'aide. Je n'en ai pas, cœur porcelaine. Danser en bas du bat, penser jamais te revoir. Interpréter, théâtre raté. Conscient, j'accuse, porno sans sucre. Salade de peur, j'atteins, je meurs. En garde à vue, au fond du cœur. H24 au bord, falaise. Les gendarmes en caoutchouc. Révolution, pomme d'amour. Oh. lèvres rire fleur, réveil en sueur, écran d'accueil au paradis, moteur de recherche des sentiments, rire à nos drames plus gentiment, orgasme, erreur, retard, des pleurs, nouvelles insultes à inventer. Au bonheur de la maladresse, j'ai cru en moi dans la paresse. J'ai joué des femmes qui tuent des hommes, sérigraphie, mes idées folles. Patinage sur eau de mer, au bal masqué, robot de verre. S'éteigne jamais, je t'aime, l'effet de la cocaïne, il est là, je vous jure un mauvais coup surbaptisé, chaussure attisée, la haine 6 dans la voiture, wesh qu'est-ce, ça fait rien sur le test, stamment un pro haut, talent pété les phalanges, faire un câlin, ça va passer, du calme, allez, ma patte, arty, les teens, s'affolent les frères au carpla, mon empire, capla, héroïne, bas de gamme, autotune, macabre, bain de douleur, timbrel, SD, drôle de rougeur, MST. Columbine, c'était Puzzle à l'instant. Vous avez dormi ? Pas encore. Et vous ? Non, pas encore. La tête au carré, Mathieu Vidard. C'est presque la question que vous posez aux gens que vous croisez d'ailleurs, Patrick Lemoine, ça. Hein. Où en êtes-vous avec votre sommeil ? C'est vrai, ouais. Et c'est d'ailleurs très amusant comme test à table, quand on voit toutes les réactions, ouais. Les gens qui, enfin, une discrétion totale, mais ce qui est drôle, c'est de voir les conjoints quand même, ouais. Qui lèvent les yeux au ciel, et j'ai beaucoup aimé, as-tu dormi ? Pas encore, et très souvent la réponse est fausse, parce que combien de fois, et plein de gens ça leur arrive, c'est, mais tu dors ? Mais pas du tout, ah, pourtant tu ronflais il y a une minute, ouais. C'est-à-dire qu'on peut dormir mais ne pas savoir qu'on dort, et c'est le problème de beaucoup d'insomniaques qui sont totalement sincère, persuadé de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit, et puis quand on les enregistre, ben, ils ont dormi 7 heures sans éveil. C'est-à-dire une non-perception du sommeil, qui est tout aussi pénible que l'insomnie, mais il n'y a pas de dette de sommeil, c'est-à-dire dans la journée, ça va bien. 30% donc de la population souffre de manière occasionnelle d'insomnie, 10% de façon régulière. Oui, oui, les chiffres sont plutôt bas même. Là, qu'est-ce qui caractérise donc l'insomnie en quelques mots ? Oh, l'insomnie, c'est une plainte subjective qui fait que les personnes se plaignent d'un sommeil soit trop court, soit de qualité insuffisante. Tout simplement. Alors, beaucoup de questions des auditeurs. Yvon d'abord nous dit, vous parliez tout à l'heure d'effet nocebo. Est-ce que vous pourriez juste nous en donner la définition ? Alors, l'effet nocebo, c'est très exactement le contraire du placebo. Donc, un placebo, c'est quand le médicament, il fait mieux que ce qui était attendu. L'aspirine, elle doit agir en 20 minutes pendant 4 heures. Avec un bon placebo, c'est-à-dire si j'y crois vraiment, je suis un excellent médecin, elle va agir en 5 minutes toute la journée, puis si je suis pas très convaincant, que je fous la trouille à mon patient, eh bien, elle va pas agir du tout, et puis en plus, il aura mal à l'estomac. Voilà, c'est ça, ça pourra même créer des effets délétères. Absolument, hein. Oui, il y a des effets... Le pouvoir de la conviction. On peut avoir des effets secondaires avec rien. Jean nous dit, je dors peu, mais je me réveille en forme, chacun a-t-il une horloge personnelle ? Ben malheureusement, oui, apparemment, hein. Heureusement, oui. Ouais. Jean est exactement comme Monsieur Einstein qui disait « je dors bien, mais vite ». Ouais, quelle chance. Oui, c'est bien. Non, mais dormir peu, si on a la forme, c'est une grande chance. On vit deux fois plus que les autres. Ouais. Vous définissez plusieurs types d'insomnie, justement, Patrick Lemoine ? Alors oui, déjà... Il y a toute une gamme. Hein. Déjà, les insomnies objectives, effectivement, la personne dort moins qu'elle ne voudrait. Elle a une dette de sommeil d'une heure, deux heures, trois heures. L'insomnie subjective, la personne dit qu'elle ne dort pas, alors qu'elle dort, mais elle ne sent pas qu'elle dort, elle ne perçoit pas son sommeil. Puis après, il y a l'insomnie pour s'endormir, pour se réveiller trop tôt ou pour maintenir son sommeil. Et puis il y a des personnes qui disent bah, je dors beaucoup, très bien, mais le matin c'est comme si j'avais passé une nuit blanche. Et là on recherche tout de suite les apnées du sommeil, où les personnes ne perçoivent pas qu'elles sont réveillées en cours de nuit. Elles sont tout le temps réveillées 400, 500 fois par nuit pour respirer, mais ne s'en souviennent pas. Elles ont l'impression de dormir comme des plombs, comme des masses, comme des souches, mais au réveil c'est comme une nuit blanche. Et ça doit faire dresser l'oreille. Ouais, donc une des causes justement de ces insomnies. L'hypersomnie, qui est une fausse hypersomnie, est plus dangereuse, plus grave que l'insomnie. Alors l'hypersomnie, justement, c'est quand on dort trop et que ça fatigue. Et ça, les cas sont fréquents ? Très fréquents. C'est vrai ? Très très fréquents. Il y a au moins 6% d'hommes qui ont des apnées du sommeil, qui ont déjà une hypersomnie. Et puis ensuite, il y a quelques hypersomnies plus rares, des maladies génétiques comme la narcolepsie cataplexie, comme l'hypersomnie idiopathique, enfin, des mots très barbares. Mais toute personne qui se met à dormir plus qu'avant, et surtout qui est très fatiguée et somnolente dans la journée, doit absolument se faire enregistrer. Alors justement, écoutons ensemble l'extrait du film Narco, sorti en 2004 par Tristan Auroet et Gilles Lelouch. Eh bien, la narcolepsie, terme apparu en 1880 de narco, élément du grec naké, qui veut dire engourdissement pour devenir narcotique, drogue, et du grec lepsie, ou attaque, est une forme de tendance irrésistible au sommeil par accès. En fait, votre fils est en proie à des crises de sommeil intempestives. Le petit s'endort n'importe quand, n'importe où. Ben oui, ça je sais, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Enfin, le problème est bien plus grave, puisque le sujet malade n'a pas de logique. Votre fils, toute sa vie, va s'endormir comme ça, pour un oui et pour un non. Mais il n'y a pas de traitement. Vous savez, les cas sont rares, isolés. Alors, non, il n'y a aucun traitement. Enfin, pas pour l'instant. Vous pouvez rien faire ? Non. Alors ça, c'était en 2004, dans ce film Narco, Patrick Lemoine. Est-ce que c'est une maladie vraiment rare, la narcolepsie? Oui, mais moins qu'on ne pense, finalement. Ouais. Je crois que c'est à peu près deux fois moins que la maladie de Parkinson. Donc on en voit, malgré tout, mais c'est une maladie piégeuse, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que c'est une maladie qui fait que on se sent ridicule. Parce que imaginez une jeune fille de 20 ans, charmante, qui tombe par terre paralysée chaque fois qu'elle croise un jeune homme qui ressemble, selon la génération, à Brad Pitt ou à Maître Gims. Elle tombe par terre. Évidemment, le premier diagnostic qui vient à l'esprit, c'est hystérie. Et en fait, c'est une maladie neurologique d'origine essentiellement génétique. Et puis parfois, je me rappelle, un des premiers que j'ai vu, c'était un prof, les enfants avaient repéré le truc, il chahutait, ça le mettait en colère, et il tombait par terre. C'est des paralysies complètes, flasques, sans endormissement, déclenchées par l'émotion, le plus souvent le rire. Donc les gens sont froids, n'osent plus rire, parce qu'ils tombent par terre. Vraiment. Ou qu'ils voient double, ou qu'ils ont la bouche bée, les bras leur en tombent, ils ont les jambes coupées. Et puis deuxièmement, ils s'endorment comme ça d'un seul coup. Alors, quand ils sont au volant, je vous fais pas un dessin, c'est une maladie handicapante, qui peut être dangereuse, mais qui n'évolue pas comme le Parkinson, alors qu'on sait que c'est la dégénérescence, c'est-à-dire la destruction d'un groupe de 3-4 000 neurones avec un neurotransmetteur très spécifique qui s'appelle l'hypocrétine ou orexine, peu importe. Bref, c'est donc une maladie... on en connaît les mécanismes. On connaît très bien la génétique. Mais est-ce que pour autant, on a des moyens de lutter contre... On a quand même maintenant des produits éveillants, découvertes françaises, entre parenthèses, qui date quand même des années 90, qui a d'ailleurs été expérimenté dans la première guerre du Golfe par les bombardiers français. C'est un produit extraordinaire qui permet de maintenir éveillé si on veut, mais si on se couche, on dort quand même. Ouais. Donc c'est un café sans effet secondaire. Et puis on donne aussi certains antidépresseurs pour éviter ces chutes de tonus musculaire. Vous citez un record mondial dans le livre, c'est celui de Randy Gardner en 64, il avait 15 ans, il est resté éveillé un peu plus de 264 heures, c'est donc 11 jours et 25 minutes, c'était juste pour rentrer dans le Guinness Book des records. Absolument, il voulait juste faire ça, mais par chance pour lui, ça se passe à San Diego. Rapidement, l'unité de sommeil très performante là-bas est venue, a suivi médicalement et scientifiquement. Parce que c'est ultra dangereux de faire ça quand même. C'est ultra dangereux, à tel point d'ailleurs que le guide Guinness a supprimé, a dit, si quelqu'un essaye de battre ce record, nous ne l'homologuons pas, parce que c'est trop dangereux, donc nous ne nous associons pas à ce genre de record. Ça restera toujours à 11 jours et 11 nuits sur le Guinness. Élodie nous dit, je profite de cette émission pour parler des impatiences de mon père, détecté récemment, une maladie des jambes sans repos, ça impacte sa vie, il est épuisé, désespéré, il ne sait pas quoi faire, des conseils. On a tous ressenti ça d'ailleurs, ces jambes un peu électriques, mais il y a vraiment des cas qui sont très très douloureux. Ça peut être très sévère. La première chose à faire, c'est de doser le fer dans le sang. c'est très souvent une carence en fer. Ouais. Et on le voit plus chez les femmes, notamment en fin de grossesse, parce que le bébé a tendance à piquer tout le fer de sa maman. Mmh. Et puis on recherche les hémorragies gynécologiques, digestives, etc., qui est vraiment une des grandes causes. Puis parfois, on trouve pas la cause, en sachant qu'il y a deux choses qu'on confond souvent. C'est-à-dire il y a les impatiences à l'éveil. Et plus la journée avance, plus j'ai la danse de Saint-Guy, je peux pas rester assis au dîner. Et puis je me mets au lit, et puis mes jambes se mettent à bouger, je suis obligé de me lever tellement j'ai des crampes. Donc c'est douloureux. Et de mettre mes jambes au frais, parce que c'est vraiment des crampes douloureuses. J'avais une patiente, elle mettait ses pieds dans le frigidaire la nuit pour pouvoir se rafraîchir, ou qui marchait sur les pieds nus sur le carrelage. Et puis, l'autre maladie qui est souvent associée, c'est des mouvements des membres inférieurs au cours du sommeil. Donc le sujet n'est pas au courant, le conjoint l'est, lui, et il vient consulter et piéger les médecins en disant « Ah là là, qu'est-ce que je suis fatigué, j'ai pas le moral, j'en peux plus. » Et puis 10 minutes après, « Ah, puis j'ai les jambes qui me cuisent, qui me font mal. » Les personnes ne font pas le lien entre les deux, alors que c'est la même maladie. Donc le traitement est quand même assez simple et très souvent il est même naturel. C'est quoi, c'est prendre du fer en plus ou quoi ? Alors le fer bien sûr pour corriger, si on trouve effectivement une carence en fer, on donne du fer dans les bonnes formes. Et puis autrement, comme c'est toujours un déficit au niveau de la dopamine, qui est un neurotransmetteur du cerveau, le même que celui qui manque dans la maladie de Parkinson, eh bien on donne le précurseur de la dopamine, qui est un produit naturel, qui s'appelle la L-tyrosine, qu'on donne en dose massive, il n'y a aucun effet secondaire, c'est pas dangereux. Et parfois, c'est magique. Dès la première nuit, les personnes dorment mieux, on la pêche. Et si ça suffit pas, on donne des anti-parkinsoniens. Il y a tant de vagues et de fumée. N'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées. Que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent. Comme dans mes rêves d'enfant, je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai. les restes si purs qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Le Paradis Blanc, Michel Berger. La tête au carré. Non, personne n'est jamais mort d'insomnie. Et si j'étais atteint de narcolepsie? Je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé. Vous devez vous détendre. Vous pouvez me prescrire un médicament? Du Tuinal en gélule rouge et bleu? Du Seconal en gélule rouge baisée? Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez les racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice. Je vous en prie, je souffre. Voilà les conseils du film Fight Club que vous cautionnez, Patrick Lemoine, hein, la Valériane, voilà, on le disait tout à l'heure. Un excellent conseil qui a été donné. C'est vrai qu'on ne meurt pas d'une nuit d'insomnie, que tout le monde a connu à partir d'un certain âge des nuits d'insomnie, mais il a raison aussi, parce qu'il ne faut pas non plus dramatiser, parce que beaucoup de personnes dorment parce qu'elles veulent dormir. Ou quelqu'un qui ne se pose pas la question... Ou dorment mal parce qu'elles veulent dormir, c'est ce que vous voulez dire? Le fait de vouloir dormir empêche de dormir. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était démontré par une étude que j'adore. Prenez 30 sujets sains. Bons dormeurs, ils savent pas ce que c'est que l'insomnie. Vous leur mettez des électrodes sur la tête, vous les rassemblez dans un dortoir, et au moment d'éteindre la lumière, 50 000 euros au premier qui s'endort. Il n'y a pas un qui ferme l'œil, parce que l'envie de dormir est telle que ça stimule les structures d'éveil, et c'est une vraie torture. Vous êtes très vicieux, les scientifiques, parfois. Absolument, puis on aime ça en plus. Le programme complet pour en finir avec l'insomnie, ça sort donc chez Hachette Bien-être. On va consacrer les dernières minutes de l'émission aux nombreuses questions des auditeurs. Fanny nous dit, des scientifiques et des historiens avancent que nous ne sommes pas fait pour dormir d'une seule traite. Avant la révolution industrielle, on dormait en deux fois avec une phase de veille entre les deux. Cette période d'éveil nocturne faisait partie des rythmes de l'existence. C'est absolument vrai. On parlait du premier sommeil qui durait à peu près jusqu'à 2h du matin. On se couchait assez tôt. À 2h du matin, on se levait, on discutait, on mangeait, on allait voir les voisins, on jouait aux cartes. On se recouchait vers 4h du matin pour le deuxième sommeil. Et c'était sociologiquement tout à fait accepté et acceptable. Et les gens allaient très bien. De même en Andalousie, on va dormir 4 heures la nuit et 3 heures le jour. C'est parfaitement accepté. Il y a des aspects génétiques, peut-être épigénétiques, mais aussi des aspects culturels. Parce que les descendants des Espagnols, qui sont les Mexicains et les Argentins, font la sieste. Alors que les Portugais, qui ont le même climat, ne font pas la sieste. Et leurs descendants culturels, qui sont les Brésiliens, ne font pas la sieste. Oui. C'est étonnant, non? Oui, c'est vrai. Alors Catherine nous dit justement, est-ce que dans les pays où on dort dans des lits séparés, est-ce qu'on dort pas mieux quand même? Il y a des études qui ont été menées là-dessus? Alors, oui et non, elle n'a pas tout à fait raison, parce que quand même, le contact cutané, le contact corporel, entraîne des libérations d'hormones de l'attachement, qui sont la cytokine, qui permettent quand même aussi de bien dormir. Ouais. Donc le fait d'être en complète sécurité fait qu'on dort mieux. En revanche, si on a un conjoint qui ronfle comme un sonneur, qui bouge comme une anguille, c'est sûr que ça aide pas et on a intérêt à travailler la literie, prendre des sommiers séparés, acheter des boule-quièces, voire dormir dans des chambres séparées. Mais il m'est arrivé, pour sauver des couples, de prescrire des chambres à part. Alors justement, Michel nous dit, mon conjoint dort comme un loir grâce à ses médicaments, mais il ronfle toute la nuit, je ne peux plus le supporter, je ne dors que 2 à 3 heures par nuit. Depuis 7 ans, je me sens vieillir à vitesse grand V. Que faire quand le conjoint prend ce problème à la légère et s'oppose à la séparation la nuit, même occasionnelle? Alors, docteur Lemoine, vite vos conseils. Oui, je peux prescription pas de chambres séparées. Je peux pas lui conseiller de le tuer, parce que l'ordre des médecins sera pas d'accord. Les boule-quièces, c'est pas forcément très agréable. Bon, c'est les médicaments qu'ils font, probablement ronfler beaucoup plus qu'ils ne devraient. Il existe, si elle a un mari très gentil, ce qu'on appelle des orthèses d'avancement mandibulaire, c'est-à-dire des gouttières qu'on porte la nuit, qui avancent un petit peu le menton, le maxillaire inférieur. C'est le seul traitement efficace du ronflement. Ouais. Le ronflement, c'est quoi d'ailleurs le mécanisme exactement? C'est une vibration du voile du palais et de la luette soit à l'alcool, soit au tranquillisant, soit un petit surpoids, soit une conformation comme ça. Ouais. C'est à peu près la moitié de tout le monde à partir de 40-50 ans. Oui, c'est ça, un peu à l'âge qui avance aussi quand même. Mais si c'est, oui, bien sûr. Mais si c'est très important, il faut quand même se poser la question des apnées du sommeil. C'est quand même le premier pas vers les apnées, qui est une maladie quand même qu'il faut prendre au sérieux. Hélène demande, qu'en est-il des femmes enceintes? Quel impact peuvent avoir les insomnies sur le bébé? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Une insomnie anxieuse, une insomnie stressée, évidemment, le bébé, il prend dans son liquide toutes les hormones du stress, la noradrénaline, la cortisone et d'autres. Et donc forcément, il baigne dans un liquide de stress, ce qui n'est pas forcément très bon. Moi, j'ai pour coutume aux femmes enceintes de leur prescrire de la mélisse. Ça marche remarquablement bien. On court aucun risque pour le bébé, alors qu'on sait que les médicaments, quels qu'ils soient pendant la grossesse, donnent un certain nombre d'ennuis. Les tranquillisants ont été accusés au niveau des becs de lièvre. C'est pas vraiment démontré, mais il y a un petit risque. Les antidépresseurs, récemment, ont montré qu'on augmentait, en cas de grossesse, le risque de troubles de la série autistique. Donc on évite tout médicament pendant la grossesse. La mélisse, c'est très bien. Depuis que je suis en retraite, nous dit Jean-François, je me couche tard, mais je dors plus tard aussi le matin. Les réparations du corps que vous citez comme intervenant la nuit se font-elles aussi bien dans ces cas-là? Je peux pas lui répondre parce que tout dépend de sa programmation. On a un petit ordinateur dans le cerveau qui est dirigé par nos gènes et qui font que certaines personnes sont du soir, doivent s'endormir à 1h du matin et se lever à 9h. Moi, je suis incurablement du matin, je dois dormir à 10h30 pour me réveiller à 5h30. Si je fais une grasse matinée et que je me lève à 6h du matin, je suis insupportable toute la journée. Donc le secret de la bonne santé et du bonheur conjugal, en plus, c'est de se lever et de se coucher à l'heure pour laquelle on a été programmé, et donc celle qui permet de se sentir bien dans la journée. S'il se sent bien dans la journée, qu'il ne change rien. S'il n'a pas le moral, parce qu'il se lève plus tard, c'est à cause de ça, il faut qu'il se lève plus tôt. Michel dit les apnées du sommeil, que pensez-vous de l'implant dans la langue pour remplacer la machine à dormir sans sommeil? Alors, il y a des études à Bordeaux qui sont en cours, dont le patron, qui est le professeur Pierre-Philippe, dit grand bien. Il y a eu une première publication qui paraît intéressante. C'est une espèce de pacemaker respiratoire. Pour le moment, il y a qu'une étude, à ma connaissance, qui est positive. Il en faut d'autres. C'est peut-être l'avenir. C'est vrai que les appareillages, les orthèses, ça sauve la vie quand même et ça donne un bien-être, mais c'est quand même un peu lourd à porter. On aimerait bien avoir soit une pilule, soit des petites électrodes qui permettent de respirer sans mettre tout sourbi. Le message d'un sportif pour vous, Patrick Lemoine, il s'appelle Ismaël. S'il vous plaît, dites-moi comment je peux arriver à trouver le rythme de sommeil qui me permette de récupérer de mes lourds entraînements et d'obtenir les rendements optimaux. En effet, je me sens tout le temps fatigué, ce qui est embêtant pour un sportif. Il faudrait que, d'une part, il ne s'entraîne pas le soir. Alors, je ne sais pas quel est son sport, mais on sait que quand on s'entraîne trop tard le soir... Il y a un effet excitant sur le sol. Oui, on augmente la température centrale. Le sommeil, c'est un problème de thermostat. C'est comme dans nos appartements, on est réglé pour avoir la température qui baisse le soir, puisqu'on est quand même un animal nocturne, et on ne dort bien avec du sommeil utile que si la température est franchement descendante. Donc, notre grand sportif, il faut qu'il s'interroge pendant une semaine. Il ne fait rien, il est en vacances, il n'a aucune contrainte. À quelle heure spontanément il a sommeil, à quelle heure spontanément il se réveille. Et ça, c'est ses rythmes de base, c'est sa référence. Et ensuite, essayer d'éviter, si par exemple il est programmé banalement 23h, 7h, il ne faut pas qu'il s'entraîne après 20h. Et il y a beaucoup de sportifs qui s'entraînent le soir, Bien sûr, et puis des fois les contraintes professionnelles obligent. Donc à ce moment-là, on peut prendre un bain tiède, avec éventuellement des feuilles de tilleul dans la baignoire, et puis pas sécher trop vite pour que par évaporation, on perde des calories et qu'on baisse la température centrale. Et 18 degrés pour la bonne température de la chambre aussi. Oh, les choses sont très simples. Bien connu maintenant, la température de la chambre idéale, c'est celle où on se sent bien. Ouais. Et puis une dernière question, Esteban. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, je me réveille systématiquement à 4h30 et je peine ensuite à me rendormir. Pourquoi 4h30, demande-t-il? Parce qu'il est réglé comme ça. S'il va bien, il faut surtout qu'il maintienne son 4h30. une demi-heure plus tôt que moi, une heure plus tôt que moi, mais moi je suis très content de me réveiller très tôt, parce que ce que j'écris, ben, c'est toujours entre 5h30 et 7h30, et si j'avais pas ces 2 heures de tranquillité sans le téléphone et sans contrainte, ben, je pourrais pas écrire, je serais très malheureux. Merci beaucoup Patrick Lemoine, le programme complet pour en finir avec l'insomnie, en tout cas on l'espère, c'est la promesse de ce livre qui s'appelle Dormez, et qui est publié chez Hachette Bien-être. Merci beaucoup à vous. C'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Raphaël Rousseau qui était aujourd'hui à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission, et bien sûr dans un instant, juste après les informations, Fabrice Drouel pour vous avec Affaires Sensibles. Bon après-midi, à demain.